matelot, c'est un enfant des quatre coins du monde. Il a vogué par tous les temps, sous les cieux à la ronde. Il rêve la nuit dans son hamac, qu'il a dans le fond de son sac, de bien joli galon. Mais faut faire attention, attention, avant d'être capitaine, il faut être matelot, porter la blouse de laine, le béret de son bâton. Faut grimper au mât de misaine, sous quai dur et boire un bon. Avant d'être capitaine, il faut être matelot. Le matelot à chaque port sent l'amour qu'il appelle. Avec ses copains de bâbord, il va trouver les belles. Ils sont parfois 18 garçons pour une fille aux cheveux blonds. Et si vient le capitan, c'est lui qui prend le menton du tendron. Avant d'être capitaine, il faut être matelot. Et se dire, si je n'ai pas de veine, je suis quand même jeune et costaud. Le capitaine n'a des ovaines qu'en donnant. C'est Monaco, avant d'être capitaine, il faut être matelot. Le matelot, en arrivant de croisière lointaine, voit que les honneurs, les rubans, sont pour son capitaine. Lui, en fait de très grands égards, n'a droit qu'un quart de pinard. Mais il chante en allant retrouver sa maman qui l'attend. Avant d'être capitaine, il faut être matelot. Après des galons de laine, on viendront de bien plus beaux. Moi déjà, je suis pour Germaine, plus gradé que 3 amiraux, que 6 amiraux. Avant d'être capitaine, il faut être matelot. Avant d'être capitaine, il faut être matelot. Portez la blouse de laine, le béret de son bâton. Pour grimper au mât de misaine, avant d'être capitaine, il faut être